C'est le moment que j'ai choisi pour débarquer. C'est le moment que j'ai choisi pour débarquer. C'est le moment que j'ai choisi pour débarquer. C'est le moment que j'ai choisi pour débarquer. Piano, violon, synthé, mon son fait jumper. Jump, jump, jump, fait jumper. Piano, violon, synthé, mon son fait jumper. Jump, jump, jump, fait jumper. Perfectionniste à chaque musique, j'rappe électronique. J'rappe, j'rappe, j'rappe électronique. Disant que je pratique, je suis plus catégorie novice. Catégorie novice. Aussi d'esprit qu'une warrior en moto. Aussi précis qu'un lanceur de couteau, mon son a trop flow. Quand j'prends le mic, le temps s'arrête. J'ralentis même la planète. C'est pas net, mais c'est un putain de casse-tête. Mon son a trop de flow, mais je fais pas le faux. Et s'il le faut, je peux parler même de mes défauts. J'rappe électronique, j'rappe, j'rappe, j'rappe électronique, j'rappe, j'rappe électronique, j'rappe électronique, j'rappe, j'rappe, j'rappe électronique, j'rappe, j'rappe électronique, j'rappe électronique, j'rappe, j'rappe, j'rappe électronique, j'rappe, j'rappe électronique, j'rappe électronique, j'rappe, j'rappe, j'rappe électronique, j'rappe, j'rappe électronique, j'rappe tout le temps, j'vais partir le sale temps, break, break. J'rappe tout le temps, j'vais partir le sale temps, break, break. J'rappe tout le temps, j'vais partir le sale temps, break, break. J'rappe tout le temps, j'vais partir le sale temps, break, break. J'rappe électronique, j'rappe, j'rappe, j'rappe électronique, j'rappe, j'rappe électronique, j'rappe électronique, j'rappe, j'rappe, j'rappe électronique, j'rappe, j'rappe électronique, j'rappe électronique, j'rappe, j'rappe, j'rappe électronique, j'rappe, j'rappe électronique, j'rappe électronique, j'rappe, j'rappe électronique, j'rappe, j'rappe électronique.